Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89,1 et nous allons poursuivre l'émission sur le thème de la construction. Alors non, on ne va pas parler de collusion ni de financement des partis. Non, on va parler de matériaux, donc de bois, d'acier, de béton entre autres. Et petite devinette, parmi ces matériaux, il y en a un qui présente de nombreux avantages environnementaux. Lequel ? Eh bien, nous avons une invitée qui connaît très bien la réponse. Elle a d'ailleurs fait son doctorat à l'Université Laval sur ce sujet. Il s'agit de Caroline Frenette qui travaille maintenant chez Secobois. Bonjour Caroline. Oui, bonjour Valérie. Alors, bon, évidemment, le nom Secobois, ça nous met la puce à l'oreille. On a une petite idée de quel matériau il va être question. Mais brièvement, peux-tu nous expliquer ce qu'est Secobois? Oui, en fait, Secobois, c'est un organisme à but non lucratif. C'est le centre d'expertise pour les constructions commerciales en bois. Donc, c'est voué à la promotion, au développement des marchés du bois. Plus spécifiquement, notre but, c'est d'accroître l'utilisation du bois au niveau non résidentiel, donc dans les constructions non résidentielles au Québec. Oui. Et spécifiquement, Secobois, on travaille avec les professionnels de la construction. Donc, on est des professionnels de la construction qui sont spécialisés dans les structures en bois, dans l'utilisation du bois. Et donc, on travaille beaucoup avec les ingénieurs, les architectes qui travaillent à faire des constructions non résidentielles pour les aider à utiliser de plus en plus de bois. Donc, au moyen de formation, de documentation technique ou de simples conversations là, avec eux. Quand ils ont des questions, ils peuvent nous rejoindre puis on discute avec eux des différents projets. Parce qu'on a peut-être, on a l'habitude de voir les maisons, les résidentielles, c'est construit en bois, mais on pas vraiment dans les bâtiments, les non-résidentiels. Donc, c'est les commerces, les magasins, les bureaux, c'est ces bâtiments-là qui sont ciblés. Effectivement, souvent, il y a plusieurs commerces qui sont à peu près les mêmes dimensions que nos maisons, donc qui sont très facilement, c'est très facile d'utiliser le bois, mais on a comme une culture au Québec où on a tendance plutôt à utiliser l'acier et le béton dans ces constructions-là. Et donc, nous, on pense que ce serait un avantage environnemental intéressant de recommencer à utiliser plus de bois. Surtout que, comme vous le dites, au niveau des maisons, on a déjà une expertise intéressante qui est développée au Québec. Il y a beaucoup d'industries. Donc, c'est bien d'utiliser notre propre expertise pour la transposer. Élargir notre utilisation du bois. Ouais. Donc, ces avantages environnementaux, qu'est-ce que c'est? En quoi le bois est-il plus avantageux que le béton ou l'acier, justement? Déjà, c'est une ressource renouvelable. Donc, ça, c'est un aspect qui est très intéressant. Donc, c'est la base même du développement durable, en fait, d'utiliser des ressources qui sont renouvelables. Donc, quand on prend du bois qui provient d'une forêt qui est gérée durablement, ça signifie qu'on va, dans les années futures, on n'affecte pas là, les outils des générations futures. On utilise une ressource renouvelable. Mais ensuite, ce qui est vraiment intéressant, surtout au niveau de la lutte au changement climatique, là, les gaz à effet de serre, c'est que le bois, comme c'est un matériau qui est produit par l'arbre même, mais il demande très peu d'énergie pour sa transformation. Contrairement à d'autres matériaux, on a parlé du béton, de l'acier, qui sont des matériaux où on prend des matières premières, on les transforme et on le sait tous, on les transforme dans des usines où ça prend vraiment beaucoup d'énergie pour les transformer. Le bois, c'est déjà du bois. Donc, on a un petit peu d'énergie qui est demandée habituellement, bien sûr, pour le transport. Il faut le ramener en usine. Le séchage, souvent, demande un peu, mais souvent, ce séchage-là est fait justement avec des produits du bois en bioénergie. Donc, c'est un cercle qui est quand même fermé et qui est intéressant. Donc, en fait, c'est ça. On pourrait peut-être nommer là, trois grands avantages. Déjà, comme on disait, en utilisant le bois plutôt qu'un autre matériau qui est très énergivore, ben, on vient de couper dans les émissions. En plus, le bois comme tel, ben, c'est la séquestration du carbone. L'arbre, quand il fait la photosynthèse, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le CO2 de l'atmosphère, il renvoie de l'oxygène qu'on utilise en respirant, et le carbone comme tel, lui, est séquestré dans le bois. Ouais. Donc, quand on utilise des produits du bois, ben, on séquestre le carbone. Quand on a une pousse, finalement, on a une. C'est un puits de carbone. Tout à fait. Donc, pour la durée d'utilisation du bois, c'est un puits de carbone. Et ensuite, mais si à la fin de la vie, parce que vous allez me dire, à la fin de la vie, je vais retourner. Sauf que si à la fin de la vie, on utilise le bois pour faire, par exemple, de la bioénergie et qu'on remplace encore une énergie fossile, mais là, on vient de gagner une deuxième fois. En substitution, donc en évitant des émissions. Et c'est là que c'est vraiment très, très avantageux. Ouais. Puis un dernier point qui, on y pense moins, mais en fait, le bois, c'est un matériau qui a plein de cellules, qui est plein d'air à l'intérieur. Donc, c'est un matériau qui est un assez bon isolant comparé aux autres matériaux de structure. Donc, quand on utilise du bois en structure, souvent, ça va nous aider à éviter des ponts thermiques et avoir une meilleure efficacité énergétique de notre bâtiment. Okay. Donc, tout ensemble, on gagne en début de vie, puis on peut gagner dans toute la vie du bâtiment en termes de... Oui, là, il y a eu beaucoup de choses audites. Hein. Je pense qu'il faut que je les récapitule même pour ma tête, là. Donc, c'est un puits de carbone. Ça veut dire si on a une poutre ou un élément, une bout de charpente en bois, c'est comme si on avait une poutre de CO2. un petit du peu carbone, pour... Ouais. C'est ça, du carbone. Donc, plutôt que d'avoir mettre le CO2 dans l'air. Ensuite, même si on arrive en fin de vie du bâtiment... Donc là, ce que tu dis, c'est que finalement, on peut recycler ce bois-là, comme le revaloriser comme carburant, au lieu d'utiliser du pétrole ou en tout cas des hydrocarbures. Bah, on utilise cette source de ce matériau-là, ce bois. Et puis ensuite, il est bon, c'est un bon isolant. C'est donc, un bon isolant. Ça répercute encore des économies au niveau de l'opération du bâtiment, là, du chauffage du bâtiment. Et puis le point le plus important, c'est qu'en fait, en utilisant cette poutre-là, on va éviter d'autres matériaux qui, eux, demandent beaucoup d'énergie. Ça, c'est vraiment un des apports les plus importants. Ouais. Puis aussi, c'est peut-être une ressource locale aussi. Oui, effectivement, c'est sûr c'est une ressource locale. Quoi que le béton aussi, Ça dépend, mais on a quand même au Québec, on a une industrie qui est fortement forestière, donc c'est intéressant de revaloriser nos produits locaux. Mm-hmm. Puis tout ce dont on a parlé tout à l'heure, en fait, ça nous ramène à l'analyse de cycle de vie. Oui. Parce qu'en fait, là, je vous parlais de plein d'effets, mais comment on peut les quantifier, ces effets-là? Est-ce que ça a été mesuré, ça? C'est ça, moi, je peux vous en parler, mais en fait, comment on fait pour les quantifier? Et puis c'est ça, dans mon doctorat où j'ai beaucoup travaillé, c'est la fameuse analyse de cycle de vie. Donc, l'analyse du cycle de vie, c'est une méthodologie qui va nous permettre de quantifier les impacts potentiels sur l'environnement d'un produit ou d'un service. Dans notre cas, nous, on parle de produits de construction, donc de matériaux de construction. Donc, ça peut nous permettre ou de comparer différents matériaux. Mm-hmm. Et c'est des études comme ça qui nous disent, bien, effectivement, par exemple, si on prend une poutre en bois, nous, on a pris une poutre en bois qui avait une portée donnée, une charge donnée. Mm-hmm. On fait la conception avec différents matériaux de construction. Puis après, on voit combien de matériaux ça prend pour faire chacune de ces poutres-là. Puis on regarde l'énergie utilisée puis les impacts sur l'environnement pour chacune des poutres. Et on a des impacts là, qui vont être environ 5 fois moins d'impact. Mm-hmm. Par exemple, la poutre en bois, elle a 5 fois moins d'impact en termes de gaz à effet de serre que la poutre en acier. Ouais, et il y a encore plus pour la poutre en béton. Donc, on compare, on prend deux objets à fonction équivalente, deux poutres bon, qui vont avoir la même résistance, etc. Puis, on regarde combien d'énergie ça prend pour la construire, combien de déchets ça va rejeter. Puis, tout on fait le bilan de tout ça. Oui. Et donc, la poutre en bois aurait 5 fois moins d'impact que... Ben, cinq fois moins. Elle a 5 fois moins. C'est ça, dans cette poutre-là en particulier. Après, on peut le faire pour des bâtiments au complet. C'est certain que l'analyse de cycle de vie, c'est une science qui est assez jeune. Donc, il y a beaucoup de développement qui se fait. Et on voit son utilité pour les bâtiments. Donc, il y a beaucoup de recherches qui se fait actuellement pour l'application sur les bâtiments. Parce que ce qui est difficile sur un bâtiment, c'est qu'on le construit aujourd'hui. Donc, ça, pour la construction, c'est assez facile de calculer les impacts. Mais après, il y a la durée de vie, combien de temps va durer ce bâtiment-là, c'est difficile à évaluer. L'énergie d'opération tout le long de la vie, c'est assez difficile à évaluer. Et en plus, en fin de vie, là, on parlait de réutiliser les matériaux, tout ça. Qu'est-ce qui, dans 50 ans, 60 ans ou même 100 ans, ce bâtiment-là, les technologies vont avoir complètement changé. Ouais. Donc, on fait, dans le fond, des hypothèses par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui de ce qui va arriver dans le futur. Ah oui, c'est ça. On fait des hypothèses sur comment on va réutiliser finalement le matériau avec les technologies qu'on a aujourd'hui, mais ça se trouve, elles ne seront pas valables dans 50 ans. C'est ça, mais en même temps, ça nous permet quand même de voir, puis ce qui est vraiment important ou intéressant avec l'analyse de cycle de vie, c'est que ça nous permet de voir des processus, puis de voir, par exemple, quand on fabrique un matériau, on le pose, tout ça, c'est quoi les phases de la vie qui sont les plus impactantes sur l'environnement? Ouais. Est-ce que c'est la fabrication? Est-ce que c'est plus loin? Et quand on connaît la phase qui est la plus importante, bien là, on peut s'attaquer à cette phase-là, puis dire, ah oui, c'est vraiment là. Par exemple, quand des matériaux comme le béton ou l'acier savent qu'ils sont très énergivores. Donc, eux, en tant qu'industrie, développent des technologies pour réduire leurs émissions. Donc, tous les matériaux font ça et l'analyse de cycle de vie, ça nous permet vraiment de quantifier ça et de dire, ah, c'est là qu'il faut que je travaille parce que c'est là mon impact qui est le plus grand. Souvent, on a des impacts qui valent vraiment peut-être 80 % puis d'autres impacts qui vont valoir 1, 2, 3 %. Donc, c'est pas là-dessus qu'il faut travailler. Il faut travailler sur la partie plus importante. Ouais, surtout que les émissions de CO2, souvent, on comptabilise ça un peu par année, là, combien il y a eu de CO2 émis par telle activité par année. Donc, mais une maison ou un édifice, ça dure des années, là. Donc, j'imagine que ce qui se passe à la construction, ce qui se passe pendant l'opération de l'habitation, là, puis ce qui se passe à la fin, c'est peut-être différent aussi. Oui, puis des fois, on se fait dire, oui, mais donc la construction, ça n'a peut-être pas beaucoup d'impact par rapport à cette opération-là. Mais il y a aussi toute la rénovation. Tout le temps du bâtiment, on va avoir des rénovations et tous les matériaux qu'on utilise pour la rénovation. Il y a des études suisses là, qui montrent qu'en fait, si on regarde la construction et la rénovation, on est à 30, 40 % de l'impact total du bâtiment. Donc, c'est quand même une part importante à regarder. Et bien sûr, l'opération, comme on dit, l'efficacité énergétique, ça, c'est vrai pour tous les bâtiments et c'est quelque chose qu'il faut travailler dans toutes les technologies. Là. Mais là, dans un édifice, bon, il y a les poutres ou il y a les charpentes, mais est-ce qu'on peut parler aussi des planchers de bois? Est-ce qu'il y a des matériaux équivalents pour lesquels on fait des analyses de cycle de vie aussi? Ou peut-être d'autres types de revêtements, je ne sais pas. Tout à fait. Même les revêtements extérieurs, c'est quelque chose d'intéressant parce que même on se rend compte quand on fait les analyses de cycle de vie que même si on a un revêtement extérieur en bois et que dans la vie du bâtiment, on va le changer parce que si on se dit qu'il est en bois, peut-être la durée de vie ne sera peut-être pas la même chose que de la brique, par exemple. Mais si on regarde l'impact de fabriquer la brique, par exemple, qui demande beaucoup d'énergie, bien, on peut changer notre matériau bois beaucoup de fois dans la vie du bâtiment avant d'atteindre l'impact qu'a causé la fabrication de la brique. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Il y a des choses qui, des fois, sont un peu contre-intuitives. Et quand on met les chiffres et qu'on calcule vraiment, on peut avoir une quantification là, de ces impacts-là. Donc, pour le prix de l'impact de la brique, on peut changer plusieurs fois notre revêtement de bois. C'est ça que ça voudrait dire. Dans le cadre de mon doctorat, c'est ce que j'étudiais, les façades. Et effectivement, là, ça donnait. Mais comme tu disais, il y a aussi les planchers. En fait, ce qu'on utilise dans notre vie, quand on change des portes, quand on... Les cadres de fenêtres, tout ça. Quand on de penser déjà à utiliser du bois, puis en plus du bois local, c'est très intéressant. Ça nous permet vraiment, c'est un outil que tous et chacun on a pour réduire les gaz à effet de serre. Mais après, là, il y a une question qu'on peut se poser aussi, parce que, bon, pour les maisons, c'est juste un étage. Bon, alors, je peux comprendre des petits commerces de un étage, mais il y a quand même des édifices à bureaux, il y a des édifices qui sont plus grands. On peut construire haut comme ça, ça va être assez solide. Oui, c'est assez solide. En fait, même la construction... Pas de tremblement de terre comme en Haïti, mais bon... Surtout dans les nouvelles réglementations, le Québec et la zone du Québec est quand même pas loin de Vancouver en termes de tremblement de terre ou de charges qu'on doit calculer en tant qu'ingénieur pour les tremblements de terre. Et les structures en bois ont montré dans différentes... entre autres, le gros tremblement de terre de Kobe en 1995, tout ça, les structures en bois, surtout les structures comme on a nos maisons ici à ossature légère, c'est vraiment des structures qui résistent très, très bien au tremblement de terre. Puis, il y a d'autres systèmes de construction aussi qui se développent en bois. On a les poteaux-poutres en bois lamellé-collé. Là, on en a plusieurs exemples ici à Québec, le Stade Chauveau. On a le bâtiment du Fonds d'action là, qui est... Sur Charest? Oui, qui est un 6 étages sur Charest, qui est une très belle construction. On ne se rend pas compte maintenant parce que c'est couvert, mais c'était ce bâtiment tout neuf de 6 étages, il est en bois avec des grosses poutres en bois. Oui, effectivement. Et même, les chiffres que j'avais, là, il y a environ 1000 mètres cubes de bois dans ce bâtiment. Et 1000 mètres cubes de bois, ça représente, on parlait tout à l'heure de séquestration, tout ça, ça représente près de 500... Pardon, le 1000 mètres cubes de bois, ça représente près de 900 tonnes de CO2. Le carbone représente à peu près 900 tonnes de CO2 séquestrées. Puis, si on avait fait ce bâtiment-là en béton plutôt qu'en bois, on aurait 500 tonnes de CO2 émis qu'on a évité d'émettre parce qu'on le fait en bois plutôt que de le faire en béton. Donc, c'est vraiment intéressant. Là, c'est des quantités importantes de CO2 qui qui sont dans un bâtiment comme celui-là. Donc, le Fonds d'Action, on parlait de Solidity, le Fonds d'Action, c'est un très bel exemple, c'est un beau bâtiment. Et il y a de plus en plus aussi des nouvelles technologies du bois là, qui s'en viennent. C'est des panneaux qu'on appelle en lamellé croisé. Donc, c'est des panneaux assez épais, en bois massif. Et à Londres, ils ont fait 8 étages avec ces panneaux-là. Et moi, j'ai vu, ils ont fait un test au Japon où ils ont fait un 7 étages avec ces panneaux-là parce qu'ils voulaient voir c'est quoi les résistances aux tremblements de terre. Et ils ont fait plein de tremblements de terre dessus et la structure, elle revenait toujours non endommagée à sa même position initiale. Donc, ça l'a vraiment montré que c'est des techniques de construction qui sont vraiment très résistantes. Et bien sûr, en tant qu'ingénieur, là, que ce soit le bois, l'acier ou les autres matériaux, on calcule toujours pour les mêmes charges et pour les mêmes résistances. Donc, c'est un matériau qui est très intéressant et qu'il faut connaître. Il y a ces petites particularités, mais je pense qu'une fois qu'on les connaît, il peut nous amener autant au niveau, on a parlé beaucoup des avantages environnementaux, mais au niveau esthétique, on s'accordera tout le monde pour dire que c'est chaud. Quand on a du bois autour de nous, on se sent bien, puis c'est un matériau qui nous correspond. On est plus heureux quand on rentre dans un édifice en bois que tout en béton, en tout cas personnellement, je trouve. Maintenant, il y a peut-être une question aussi que peut-être les auditeurs se posent. Ça brûle, le bois? Oui, le bois, ça brûle. Mais parce qu'on a tous cette expérience-là, ce qui est intéressant quand même du bois, déjà, je ne suis pas spécialiste au niveau de la résistance au feu des bâtiments. On a quelqu'un chez nous qui est spécialiste là-dedans, chez Sécobois. Mais disons, ce qu'on peut dire rapidement, c'est déjà, quand il y a des incendies, habituellement, ce n'est pas la structure qui va amener l'incendie. Ça va être toutes les autres choses à l'intérieur du bâtiment. D'accord. Puis, le bois... Oui, il va brûler, mais on le voit même quand on fait un feu de foyer chez nous, il brûle, mais il carbonise autour. Mm-hmm. Donc, la poutre, si on a une poutre qui est une assez bonne dimension, le temps qu'elle brûle assez pour ne plus tenir sa charge, les gens ont amplement le temps de sortir du bâtiment. Les temps de résistance, tout ça sont grands. Alors que d'autres matériaux, il faut faire attention, par exemple, l'acier, il faut bien le protéger parce que s'il y a un feu qui est créé, un incendie qui est créé par le contenu du bâtiment, bien, la poutre en acier, elle est très conductrice de la chaleur. Donc, elle va devenir chaude et là, elle va rapidement perdre sa capacité portante. Elle se tord. Comme dans les tours du World Trade Center. Oui. Donc, c'est on le voit pas, puis là, tout d'un coup, elle peut perdre sa charge. Alors que la poutre en bois, oui, c'est un matériau combustible et il faut en tenir compte dans la construction. Mais ce qui est intéressant, c'est que, surtout si elle est apparente, puis qu'on voit que les poutres sont en feu, on restera pas dessous, on va sortir du bâtiment. Et la capacité du bois, finalement, qui est assez isolant, on en a parlé au début de l'émission, qui est assez isolant, empêche la chaleur d'aller à l'intérieur. Et le matériau bois qui est à l'intérieur de la poutre, lui, garde toujours sa résistance. Okay. Ouais. Donc, continue à garder sa charge. Donc, ce qu'on fait, en fait, quand on veut un bâtiment qui a une résistance au feu, par exemple, du nord, on s'assure que la poutre soit assez grosse, qu'au bout d'une heure qu'elle brûle, ce qui reste comme bois à l'intérieur soit ait toujours la charge résistante et puisse faire son travail. Donc, j'espère que ça répond oui, je m'imagine dans les endroits où ça a brûlé dans les forêts, on voit des fûts de bois là, qui sont en l'air, donc qui sont dressés, ils n'ont pas fondu comme une poutre en métal. Donc, il doit se passer un peu la même chose. Donc, je dirais que chaque matériau a ses avantages et c'est un peu ses limites. Donc, il faut, en tant qu'ingénieur, il faut utiliser tous ces matériaux-là nos structures... En prenant, que chacun prenne sa place. Ce qui est pourquoi on travaille très fort sur le bois, c'est qu'en fait, on l'utilisait beaucoup moins. Et là, maintenant, on pense qu'il y a une place qu'il faut reprendre. Bon, alors, on souhaite que cette place se reprenne. Puis peut-être qu'on va voir un peu plus de stades ou de commerces, de même des stations essence, pourquoi pas, d'autres types de bâtiments qui prendront le virage bois dans les années qui viennent. Alors, merci beaucoup, Caroline. Ça m'a fait plaisir. Donc, je rappelle, c'était Caroline Frenette, qui est conseillère technique chez Secobois. Donc, merci beaucoup, Caroline. Et on va prendre maintenant, nous, on va prendre le virage publicité sur CKRL 89,1.